Bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, 1799, un espion chez les Chouans. Septembre 1799. Voilà 7 ans déjà qu'une guerre civile sanglante a embrasé la Bretagne. D'un côté, l'armée de la Révolution, les Républicains, ceux qu'on appelle aussi les Bleus ou les Pateaux. De l'autre, les Chouans, paysans en sabots et nobles au panache blanc, réunis sous la bannière catholique et royale. Une guerre interminable, épuisante, faite de combats réguliers, armée contre armée, mais aussi de guérillas et d'embuscades nocturnes, dans des landes et des forêts impénétrables, avec pour cri de ralliement le ululement de la chouette. Le 15 septembre 1799, 200 chefs royalistes réunis secrètement au château de la Jonchère en Anjou décident de frapper un grand coup. En octobre, tout le Grand Ouest doit se soulever contre la République. Mais les chefs chouans, nobles ou roturiers, sauront-ils surmonter leur rivalité? Et la réussite de l'opération tenant à son effet de surprise, son secret sera-t-il bien gardé? Car dans leur rang, ils le savent, les Républicains ont envoyé des espions. Joseph Giraudot, notre héros de ce soir, est un espion. Républicain convaincu, mais espion fatigué. Un anti-héros, plutôt. Et l'apparition de l'amour ne fera qu'aggraver son trouble. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Aurélien Lignereux, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes historien, professeur à l'IEP de Grenoble. Vous connaissez bien l'histoire des Chouans et des Vendéens. Alors, cette guerre civile, une des plus sanglantes de l'histoire de France, est un sujet toujours très sensible aujourd'hui en France, comme la Terreur ou comme Robespierre par exemple. Est-il possible aujourd'hui, quand on est historien, d'étudier cette période sans être sommé de prendre parti? On aurait pu le penser, puisque depuis les célébrations du bicentenaire de la Révolution, les haines, les passions semblaient s'être refroidies, et tandis que d'autres conflits prenaient le dessus, hein, des enjeux mémoriels, je pense au conflit de décolonisation, mais un certain nombre d'affaires récentes ont montré que voilà le feu couvait toujours sous les braises. Je fais par exemple allusion à la découverte de charnier dans la ville du Mans, qui a été l'occasion d'une interrogation sur le devenir de ces ossements. Alors c'est une guerre qui s'est beaucoup étirée dans le temps, une guerre complexe, et on a tendance un peu à confondre Vendéens et Chouans. Pourriez-vous, Aurélia Lignereux, nous rappeler quand et pourquoi cette guerre a débuté à l'Ouest? Il faut rappeler qu'au début, en 1789, les Bretons n'étaient pas opposés à la Révolution. Oui, exactement. Seulement entre 1789 et 1793, hein, il y a eu une incubation qui s'est faite et la question religieuse a servi un petit peu de bisectrice, hein, de révélateur des oppositions. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les biens du clergé ont été nationalisés, mais ce n'est pas le casus belli, c'est-à-dire que finalement, pour les paysans, ça pouvait être une aubaine pour arrondir leurs parcelles. Non, ce qui pose problème, c'est la constitution civile du clergé qui est adoptée par l'Assemblée constituante en juillet 1789. Elle s'est faite sans être négociée avec le pape, ce qui peut troubler le clergé. Et surtout, ces dispositions bousculent l'ordre des paroisses. C'est-à-dire que le mode de désignation des curés change. C'est-à-dire ils sont élus par ce qu'on appelle les citoyens actifs, des propriétaires, souvent urbains. Et donc, c'est perçu comme une ingérence, une intrusion de la part des bourgeois des villes, hein, dans l'ordre des paroisses. Donc, on demande aux prêtres de prêter serment à la constitution civile du clergé. Et ceux qui refusent, ce sont les prêtres réfractaires. Et ces prêtres réfractaires, il est interdit de les protéger. Sinon, on est condamné pour recel de prêtres. Alors, à l'échelle de la France, un prêtre sur deux refuse, mais en Bretagne, on est dans des taux qui sont de 4/5. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est communautaire, qui est d'ensemble, et ces prêtres, hein, bien sûr, hein, bénéficient de soutien, d'un réseau de complicité. Hein, ils sont cachés, hébergés, acheminés par des filières pour partir en Angleterre ou en Espagne. Ce qui, du coup, donne des prétextes aux gardes nationaux des villes pour multiplier les incursions, et avec elle, les exactions au cœur des campagnes, ce qui accentue le mécontentement. Et bien sûr, l'autre grand élément qui va favoriser cette insurrection en Bretagne, c'est la conscription en masse. Oui, la conscription en masse qui intervient début mars 1793, c'est une forme d'enrôlement forcé qui doit prendre le relais du volontariat. C'est-à-dire qu'en 1792, des volontaires sont partis. C'est en partie l'armée de Valmy, mais justement les victoires, Valmy, GMAP, vont ramener une partie des volontaires chez eux. Il faut de nouveau des soldats pour faire front et la Convention décide de procéder à cette levée, qui du coup va déclencher une espèce de levée de bouclier un peu partout en France. Et notamment en Bretagne, ce qui explique en grande partie cette guerre des Chouans. Alors comment distinguer justement les guerres de Vendée et celles des Chouans ? Eh bien, la distinction, elle est relativement aisée pour le début de l'engrenage guerrier. En Vendée, une armée peut se constituer, s'organiser et être en mesure de lancer des opérations d'envergure qui regroupent des milliers de paysans combattants qui peuvent attaquer des villes importantes jusqu'à Nantes. Et cette armée imposante, qui finit par constituer cette armée catholique et royale, sous la contrainte des revers, qui se multiplie au milieu de l'année 1793, va tenter une opération un petit peu désespérée, ce qu'on appelait la virée de Galerne, pour sortir de la souricière qui est en train de constituer la Vendée, attaquée par les forces, les colonnes républicaines, et espérer un débarquement britannique sur les côtes de la Manche à Granville. Ce faisant, elle traverse la Loire et réactive, dans les départements qu'elle traverse, les soubresauts, des régions dans lesquelles l'hostilité à l'égard de la République était latente. Et donc, on va assister à partir de ce moment-là à une forme de convergence, puisque la défaite, le massacre de l'armée vendéenne va réactiver des modes opératoires sur le mode de l'escarmouche avec des groupes vendéens de plus en plus réduits, tandis que des groupes de chouans, de bandes, se constituent et s'étoffent. Et qui sont les chouans, justement ? D'où vient ce mot ? Alors, le terme de chouans, en fait, on peut le rattacher de façon assez aisée à la notoriété d'un homme, j'allais dire d'une famille, Jean Chouan, qui vivait aux confins de l'actuelle Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine, qui était un contrebandier d'ancien régime et qui s'est précocement fait connaître par des coups de main contre les patriotes, contre les pathos. Son nom s'est imposé et qui rappelle en quelque sorte la contraction de chouan, c'est-à-dire la chouette ou hulotte, le mode opératoire de ces chouans, enfin, de la manière dont on se les représente, avec des coups de main nocturnes dans le profond des bois et de l'acide des chemins creux. Et où en est la guerre civile justement en 1799 en Bretagne quand va débuter notre histoire ? Eh bien, en 1799, cela fait donc 10 ans que la France est en révolution, et donc la question est plus que jamais comment sortir d'un tel cycle. Pour les uns, et en passant vite sur le nuancé des positions, il s'agit d'en finir avec la révolution, de la liquider, tandis que pour d'autres, il s'agit au contraire de l'accomplir. Si bien que la configuration en 1799 prend un relief nouveau, dans la mesure où désormais la chouannerie va être mieux articulée, insérée, va devenir un pion dans un échiquier qui est devenu européen. Il a fallu pour cela que la chouannerie donne des gages de crédibilité, qu'elle se militarise, que les bandes chouannes soient rassemblées en légions, qu'elles soient coiffées par un état-major, qu'elle soit dotée au moins sur le papier d'un uniforme pour apparaître comme un pion qui peut menacer les arrières de la République. Car la conjoncture dans l'été 1799 était particulièrement périlleuse pour le directoire, qui est le régime qui mène alors la France, puisque les armées de ce qui était devenu la grande nation, la France, ont subi des revers en Italie, oui, en Suisse. Mais toute l'ironie tragique, c'est que le renversement de situation a déjà eu lieu en septembre. Un débarquement anglo-russe a échoué en Hollande. Les Russes ont été vaincus à Zurich fin septembre. Si bien que lorsque le déclenchement simultané, ou presque, d'attaques entre des grandes villes de l'Ouest éclate, mi-octobre 1799, il est déjà trop tard. Aurélien Lignereux, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, 1799, un espion chez les Chouans, un texte de Tadi McNamara, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossir. C'est les chouans. Je reconnais leur cri de guerre. Est-ce qu'ils me suivent ou je deviens fou? Une voiture. Il ne va pas tarder à me rattraper. Ils viennent me chercher. Ils ont tout découvert. Ils savent que je les ai trahis. Allez, le cheval. Encore un effort. Comment ils ont su que je passerais par là? Quelqu'un a dû vendre la mèche, peut-être qu'ils savent tout. Depuis le début. Tous des sauvages. Des arriérés. Ils vont me tuer de 30 coups de poignard et... dans le bocage. Non. Pas question de mourir comme tu puis. Allez. Pourquoi j'ai pas décroché plus tôt? Ils ont pu partir loin. Rennes. Ou à Paris. Ils arrivent. Une fois, je vais devoir jouer un rôle. Vive le roi! Non! Vive la République! 14 octobre 1799. Joseph Giraudot traverse la forêt de Lannoué, près de Vannes, en Bretagne. C'est la tombée de la nuit, et chaque arbre, chaque recoin, semble être le lieu d'un possible guet-apens. Enfant naturel d'un noble, Joseph est un des nombreux espions que compte l'armée républicaine pour mettre fin à la guerre en Bretagne et en Vendée. Mais lassé de mentir et craignant pour sa vie, Joseph a décidé de décrocher et de rentrer chez lui. En 1799, les Bretons n'en peuvent plus de la guerre civile qui fait rage depuis 7 ans. Les jeunes, eux, sont sommés de choisir leur camp. Ceux qui refusent la conscription militaire de la République sont enrôlés de force par les chouans. Il y a un mois, une conférence secrète s'est tenue au château de la Jonchère, en Anjou, au cœur de l'Ouest insurgé. Venus de Bretagne et de Vendée, 200 officiers se sont réunis sous l'autorité des généraux chouans, dont le plus fameux, le charismatique Georges Cadoudal. Persuadés d'être à un tournant dans le conflit, ils ont mis au point une vaste opération de reconquête. L'avenir de la France n'a jamais été aussi incertain. Et dans ces temps troubles, chacun se méfie de chacun. Citoyen Giraudot. Qui êtes-vous? Un républicain comme vous. Qu'est-ce qui vous dit que je suis républicain? C'est bon, je sais qui vous êtes. Vous détestez comme moi ces maudits chouans. Votre nom? Commissaire Denoual, en charge des indicateurs des Côtes du Nord. Je ne connais que le commissaire Poire. Où est-il? Au Conseil des 500. Tenez. Vérifiez, si vous voulez. Qu'est-ce que vous me voulez? Le directoire est en alerte. À Saint-Brieuc, il se trame des événements importants. Une 20aine de chefs chouans ont été vus en ville. Je veux que vous alliez à la prison là-bas. Pour espionner encore les royalistes? Pas question. Je ne risquerai plus ma vie. Vous êtes le meilleur, Giraudot. Je sais ce que vous avez fait à Vannes. Seul, vous avez déjoué un vaste complot. C'est trop dangereux. Les chouans sont devenus nerveux. Ils voient des espions partout. Dupuis a pris 30 coups de poignard. Avec vos origines nobles, ils ne se méfieront pas. Noble, mais bâtarde. La République a besoin de vous. La République a bien d'autres mouchards que moi. Un vent mauvais se lève, Giraudot. Partout dans le pays, les royalistes se tiennent prêts. Cadoudal, Mercier la Vendée, ils veulent broyer la République. Ça, nous le savons. Mais comment et quand? Ça, nous l'ignorons. Nous comptons sur vous pour nous l'apprendre. Allez! Qu'est-ce que vous faites? Je rentre chez moi. J'aurais dû m'en douter. Tel père, tel fils. Que voulez-vous dire? Ne faites pas l'innocent, Giraudot. Tout le monde sait que votre père, comme beaucoup d'aristocrates, a foutu le camp en Angleterre. Rien à voir avec lui. Depuis 3 ans, je sers la République. Parce que la paye est bonne ou parce que vous y croyez? Ça ne vous dirait pas de devenir un vrai républicain? Je ne peux plus. Ce sera la dernière fois. Brigadier. Je veux un poste de brigadier dans l'armée. Accordé. À la bonne heure, citoyen Giraudot. On vous mettra en cellule avec votre cousin. Marcelin Petit? Il y est aussi? Emmenez-le à Saint-Brieuc! À bientôt, citoyens. Je vais finir broyé, brisé en deux comme ce foutu pays. Joseph Giraudeau avance dans les couloirs de la prison de Saint-Brieuc, une immense forteresse bâtie à l'écart de la ville et réputée imprenable. Ce 15 octobre 1799, elle est pleine à craquer, avec 242 prisonniers entassés des caves jusqu'au grenier. Dans le lot, des émigrés nobles, des prêtres réfractaires, des chouans, mais aussi des prisonniers de droit commun. Depuis 1793, les prêtres qui ont refusé de prêter serment, les réfractaires, sont condamnés à mort ou à l'exil. Les habitants qui leur prêtent asile sont coupables de recel de prêtres. En 1799, la chouannerie a cessé d'être une guérilla faite d'embuscades isolées. Encadrés par les émigrés, les paysans forment une résistance militarisée. Pour répondre à cette menace, le directoire a développé un important réseau d'espionnage. Payés 3 francs par jour, certains, comme Joseph Giraudeau, se professionnalisent. Mais le métier est à haut risque, car les chouans sont impitoyables avec les traîtres. Tu fais rien pour attendre, geôlier ! Ce bord nous a tous dépouillés. Même les républicains le haïssent. Faute Giraudeau, je me laisserai pas faire ! Giraudeau ? Joseph ? Petit ? Mon cousin ? Alors ils t'ont eu, toi aussi ? Recel de prêtre. Et Nanon ? Encore dehors. Et ton père ? Lequel ? Le marquis, bien sûr. Toujours en Angleterre. Oh, maudite révolution qui sépare les familles. Comment t'es arrivé ici ? Déserteur. Du 3e régiment du Var. Déserteur ? Oui. Vaut mieux pas dire ça au gars. Pourquoi ? Dupuis, le traître, se faisait passer pour un déserteur. Tu me prends pour un moucheur, c'est ça ? Non, non. Mais le directoire, on embauche par centaines. On sait plus qui est qui. T'as oublié ou quoi ? Le jour où au village, un prêtre jureur avait pris la place de notre bon curé, moi et les gars, on lui a bien montré. Ouais, je m'en souviens. On l'appelait le grand Michel. Même que je suis monté sur son dos, je l'ai chevauché jusqu'au centre du village. Et tu l'as forcé à scier l'arbre de la liberté. Il croyait que j'allais l'exécuter. Tu sais, normalement je devrais pas te le dire. Mais il y en a plus pour très longtemps, il paraît. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je peux pas te le dire. Je suis tenu en secret. Tu parles de ce qui se prépare ? La Nouvelle Vendée ? T'inquiète pas, je suis au courant. La Nouvelle Vendée, oui, c'est ça. Oui. Et ici, à Saint-Brieuc, il se prépare un grand coup. Ah ouais ? Tu crois ? Attends, tu me fais plus confiance ? À moi ? Ton cousin ? Bien sûr que si, mais on doit faire attention. Cet air, tu entends ? Ça fait si longtemps. Brave chouan, restez chez vous. Si vous ne voulez pas, alors vous êtes perdu. Oh, Joseph, il se prépare des choses extraordinaires. Madame Lefrotter est au courant de tout. Madame Lefrotter ? Elle est ici ? Tu la connais ? C'est une proche de Mercier et la Vendée. Il faut que je lui parle. Tu sais où je peux la trouver ? Quelques semaines plus tard, dans la cour de la prison, Joseph Giraudeau réussit à se rapprocher de Marie-Gabrielle Lefrotter de Kérilis, une belle femme d'une quarantaine d'années. Dans la cour, hommes et femmes se mêlent, nobles, prêtres réfractaires, combattants chouans. Épouse d'un fils de la petite noblesse bretonne, Marie-Gabrielle s'est vouée à la cause royaliste. Avant son arrestation, elle servait de recruteur, favorisant la désertion de soldats républicains. C'est sur la base de renseignements fournis par Joseph qu'elle a été arrêtée l'été dernier et conduite à la prison de Saint-Brieuc. Le conseil de guerre l'a condamnée à mort. Avec elle, mes mensonges n'iront pas loin. Son regard est intelligent, déterminé. Madame, je vais vous avertir. Il y a un espion dans la prison. Vous venez d'arriver, n'est-ce pas ? Hier soir, madame. Désertion ? Non. Recel de prêtre. Vous allez voir. La prison est infestée de mouchards. On finit par s'y habituer. Ils sont si drôles. De mauvais comédiens, petits et vulgaires. Je m'amuse à leur raconter toutes sortes d'histoires. Quel genre d'histoire ? Qu'une fiole de poison circule. Que les prisonniers vont s'évader travestis en femmes. Ils s'empressent de tout répéter. J'imagine la tête du commissaire quand il lit leur rapport. Et bientôt, tout sera fini. Vous sortez ? En quelque sorte. Comment vous appelez-vous ? Giraudot. Juste Giraudot. Vous êtes déçue, madame ? Non, bien sûr. Mais avec vos traits, votre tenue, je vous prenais pour un gentilhomme. Je ne suis qu'à moitié. Je n'ai pas hérité du nom de mon père, le marquis d'Allandier. Lui est sain et sauf en Angleterre. Comme mon mari. Mais vous, vous êtes resté ici, pour aider vos proches. Pour défendre une croyance. Les révolutionnaires se moquent de nos paysans frustes. Mais eux, ils savent, oui, ils connaissent ce qui échappe à leurs philosophes. Ils travaillent la terre, ils savent que le vent, les saisons, la nature sont immuables. Les républicains veulent tuer Dieu. Ils n'y arriveront pas. Vous savez qui je suis ? Une noble dame, humiliée, contrainte de supporter la promiscuité de la prison. Je m'appelle Marie-Gabrielle Le Frotter de Kérélis. Je suis condamnée à mort. À mort ? Elle va mourir. À cause de moi. Parce que je l'ai dénoncée. Mais le tribunal de révision ? Il a rejeté mon appel. Bien sûr, avec la grossesse, j'ai eu un peu de répit. La grossesse ? Vous attendez un enfant ? Une stratégie de mon avocat, monsieur Giraudot. Je ne suis pas plus enceinte que vous. Vous êtes légère, joyeuse. Vous ne redoutez pas la mort ? Voulez-vous que je vous raconte une histoire ? Une histoire farfelue ? Vous me prenez pour un mouchard ? Non. Ça se lit dans vos yeux. Je sais reconnaître la sincérité. Cette nuit, nos braves chouans vont envahir la ville. Mercier et nos amis vont ouvrir les portes de la prison. Nous serons libres. Libres. Nous écraserons la République. Ce sera une nouvelle ère. Et au fait, l'espion. Pardon ? L'espion dont vous m'avez parlé. Qui est-il ? Espion ? Eh bien... Il faut rentrer. De toute façon, il ne pourra pas nous échapper. Enfin seul. Je dois prévenir de Noailles. Les chouans doivent intervenir à la prison. Cette nuit. Leur but est de délivrer le plus possible de leurs partisans. Quant à moi... Je vous ai bien servi. À la première occasion, je rejoindrai les troupes républicaines comme brigadier. Trop tard. Joseph ! Ça y est, ils arrivent. Il faut que je sorte d'ici. Mais attends-moi, cousin ! On reste ensemble, hein ? On est libre ! On est libre ! Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1799, à 2 heures précises, deux chouans, dont l'un travesti en femme, entrent dans Saint-Brieuc. Après avoir neutralisé la sentinelle de la ville, les chouans surgissent en masse. Pris de peur, Casabianca, le général républicain, s'enferme chez lui. Sous les ordres du commandant royaliste Pierre Mathurin Mercier, dit Mercier la Vendée, les chouans s'emparent de l'hôtel de ville où ils trouvent des fusils et un canon. Les habitants se barricadent chez eux. À 5 heures du matin, les chouans enfoncent à la hache les portes de la prison. Rapidement, ils viennent à bout des 6 gardes et s'emparent du geôlier. Mercier ayant ordonné qu'on limite les exécutions, il lui laisse la vie sauve. Puis, tous les prisonniers sont libérés. Les chouans se réunissent près de la cathédrale, sur l'immense place de la Liberté, illuminée par 1000 chandelles. Les abords, restés dans le noir, sont gardés par des sentinelles. Joseph, lui, essaye de semer ses nouveaux amis. Joseph, où tu vas ? Place du Maitrey, il se passe des choses là-bas. Attends, je viens avec toi. Regarde ce que j'ai là. Un vrai pistolet de cavalerie. Je l'ai pris dans la loge du geôlier. T'en as pas un autre pour moi ? T'inquiète pas, avec moi tu risques rien. Et n'oublie pas, à partir de maintenant, on reste ensemble, on se quitte plus. Comme les doigts d'une seule main. Merci, il paraît, a interdit les exactions. Ça a pas empêché les copains de régler son compte au maire. Le maire ? Poulain Corbion ? Ils l'ont accolé, là-bas, au mur de la cathédrale. Ils refusaient de crier « Vive le roi !» Il est mort ? Bah, à 30 coups de baïonnette, un vrai héros. Non ! Laissez-moi ! C'est Madame le Frotteur ! Aux mains d'un républicain ! Petite, ton pistolet ! Un instant, faut juste que j'en enclenche. Ne me touchez pas ! Donne-moi ça ! Lâche-la ! Sale bateau, ça t'apprendra ! Vas-y, achève-le, Joseph ! Arrêtez ! Il n'y aura pas de sang versé ce soir. Pourquoi n'était-elle pas protégée ? Vous autres, occupez-vous du bleu. Mercier, le fils, il est avec vous ? Vous le verrez, madame. Venez. Vous aussi, l'ami. Moi ? Oui, vous. Vous lui avez sauvé la vie. T'as vu ? C'est Mercier la Vendée en personne. On retourne au quartier général, monsieur Mercier ? Non, on évacue la ville. Évacuer ? Et pour aller où ? Là où il y a d'autres batailles à mener. J'ai beau être dehors, ma mission n'est pas terminée. Je vais être obligé de les suivre. Pierre Mathurin Mercier, 24 ans, fait partie des chefs royalistes qui ont fait leur preuve en Vendée. En 1795, il a participé au débarquement de Quiberon, un échec retentissant. Ami et confident du général Cadoudal, c'est un officier brillant et apprécié de ses hommes. À 6 heures du matin, des patrouilles de notables et de militaires commencent à circuler dans Saint-Brieuc. 2 heures plus tard, craignant une riposte républicaine, Mercier et ses troupes quittent la ville. Partout en Bretagne, les régions royalistes se soulèvent. Mais comme à Saint-Brieuc, les Chouans n'arrivent pas à tenir plus de quelques heures les villes du Mans, Nantes ou Vannes. Après la bataille de Saint-Brieuc, Mercier exécute des marches et contre-marches pour semer les républicains. Ses hommes disent qu'une nouvelle attaque est prévue. Mais où et quand, seul Mercier le sait. Dans les villages où il s'arrête, les Chouans tentent de recruter de nouveaux soldats en promettant aux paysans une nouvelle victoire. Pas question que d'autres patriotes meurent. Je dois faire parler Mercier pour savoir où l'attaque aura lieu. Regardez-moi cette armée. Giraudeau, ce n'est qu'un début. Les paysans vont se lever en masse. Ce sera une nouvelle Vendée. Ils ont de beaux uniformes. Les chefs ont de belles plumes. Mais ils sont à peine 400. C'est donc ça la grande armée catholique et royale. Où sera la prochaine attaque ? À Loudéac ? Non. Le directoire est aux abois. Il faut en profiter pour viser plus haut. Marquer un grand coup. Merci. Quand est-ce que je verrai mon fils ? Soyez patiente, madame. Vous le verrez. Mais quand ? Bientôt, madame. Bientôt. Son fils est mort. En donnant l'assaut à la prison. Le moment n'est pas venu de le lui dire. Est-ce que vous étiez en Vendée, Giraudeau ? J'étais aux premières loges, moi. Les colonnes infernales. Les noyades en masse. J'ai tout vu. Je me souviens d'un petit garçon à côté d'un fossé. Sa mère est morte devant ses yeux. Mais il ne voit pas que les paysans sont exténués. À la première occasion, ils repartiront chez eux. Au fait, vous ne m'avez pas répondu. Pardon ? Si vous étiez en Vendée. Oui, bien sûr, sous les ordres du capitaine Tercier. Ah, tiens, il n'était pas en Hollande ? Ah, vous faites peut-être erreur. C'était il y a si longtemps. Non, c'était Tercier. On n'oublie pas ces choses-là. En fait, pourquoi étiez-vous en prison ? Vous avez déserté ? Non. Recel de prêtre. Hein. Bientôt la guerre sera finie. Et tout reviendra comme avant. Plus de coquins qui se déguisent en prêtres. Plus de mouchards qui se font passer pour de nobles chouans. Je ne veux plus de ce monde-là. Moi non plus, l'ami. On n'a jamais été aussi près de l'emporter. D'abord Loudéac, après Orient. Qu'est-ce qu'il y a ? Mercier, les républicains sont à l'entrousse. On dit qu'ils sont à une demi-heure d'ici. L'attaque est remise à plus tard. On se replie au château de l'Ermitage. Soldats, en route ! Quelques Quelques heures plus tard, les Chouans arrivent au château de l'Ermitage, entre Saint-Brieuc et Loudéac, une vaste demeure inhabitée depuis 1789. Les Chouans campent dehors sur l'esplanade. Les chefs, les blessés et les femmes s'installent dans les salons délabrés, décorés encore de glace et de dorures. Les Chouans, profitant de ce répit, vident la cave à vin. Pendant ce temps, 240 gardes nationaux s'avancent vers le château. J'ai appris pour votre fils. Toutes mes condoléances, madame. Étienne. Oui. Vous frissonnez. Et pourtant, c'est une journée ensoleillée. Mes mains sont froides, n'est-ce pas? Très froides. On croirait que c'est moi la morte. Est-ce un signe? Approchez-vous de moi. On va gagner. Mercier sait ce qu'il fait. Vous avez froid, madame. Prenez mon manteau. Merci. J'ai perdu un fils. Mais gagné un ami. Ils veulent nous détruire. Jusqu'au dernier. Oui. Ils nous haïssent. Il m'arrive de me demander si Dieu nous entend. Heureusement, il y a nos braves chouans. Ils sont moitié ivres. Pas sûr qu'on remporte la bataille. On est au bout du monde ici. Et moi, est-ce que je suis royaliste ou républicain? De quel côté est-ce que je suis? Je n'aurais jamais dû accepter cette mission. Ça commence? Non. Ce sont les premières exécutions de ceux qui nous ont trahis. Trahis? Des espions? Ils tombent un à un. Au fait, le vôtre, qui était-ce? Celui dont vous m'avez parlé à Saint-Brieuc. Tu es là? C'est lui, n'est-ce pas? Votre cousin? Petit? Est-ce que non? C'est la première fois que vous n'êtes pas sincère. Tenez, votre manteau. De toute façon, bientôt nous le saurons. Ah, Joseph! Tu es là! Il va falloir se battre. Les carabiniers ne sont plus très loin. Joseph Giraudeau descend à toute vitesse l'escalier du château. Dans d'imposants tableaux, trois générations d'aïeux, recouverts de poussière, observent sa fuite. Joseph! Joseph! Républicain, royaliste, peu importe. Je ne veux pas mourir. Faut que je sorte d'ici. Mais où tu vas? Joseph! T'as oublié? On se quitte plus! Laisse-moi, petit! Tu vas pas te battre sans armes! T'as aucune chance contre eux! Va-t'en, je te dis! Je te laisserai pas. Tu vas pas te sacrifier pour nous. Arrête! Toi et moi, on doit serrer les coudes. Mercier te tuera s'il te voit avec moi. Mais pourquoi il ferait ça? Pauvre, stupide cousin. Je suis au service des républicains. Pas toi. C'est pas possible. Adieu, petit. Non. Tu vas rester ici. Ton pistolet de cavalerie? Mais tu sais même pas t'en servir. Joseph et Petit traversent le jardin en direction des troupes républicaines. Vous, là-bas! Arrêtez! Chouin, emparez-vous de ces deux-là. Ce sont des traîtres. Les paysans se rapprochent d'eux et les encerclent. Des hommes et des femmes au visage fatigué, mais intransigeant. Joseph et Petit font face à ce tribunal. On m'a raconté vos exploits, Giraudeau. Et ce n'était pas en Vendée. À cause de vous, des dizaines des nôtres ont été condamnés à mort. Ce n'est pas lui. Vous faites erreur. Cet homme m'a sauvé la vie. Retournez au château, madame. L'espion, c'est lui, son cousin. Déjà, à Saint-Brieuc, monsieur Giraudeau essayait de me prévenir. Moi? Un traître? C'est faux, madame. S'il te plaît, dis-leur. Ce que dit Petit est vrai. C'est moi, l'espion. Nous n'avons plus le temps. Exécutez-les tous les deux. Quoi? Moi aussi? Épargne-le. Dépêchez-vous, on enterrera les corps après. Au même moment, sous les ordres du capitaine Cominet, les gardes nationaux s'avancent vers le château. Mercier ordonne l'évacuation des femmes et des blessés. Un chouan emmène Joseph et Petit sous les arbres à l'écart. Avancez. Ne me regarde pas comme ça, Petit. T'es aussi coupable que les autres. Le jour où tes amis ont assassiné des républicains, est-ce que t'as essayé de les arrêter? Des femmes et des enfants parmi eux. Je me souviens encore de leurs cris. C'est ça que tu te racontes? Toi qui as trahi tes amis, ta famille? Tu n'es plus rien, ni royaliste, ni républicain. Rien qu'un bâtard, ouais. C'est vrai. À genoux, petit. On commence par toi. S'il te plaît, laisse-le partir. Reste en dehors de ça. Un service, s'il te plaît. Est-ce que ça pourrait être avec mon pistolet? Que vagon, nom de Jésus. Ayez pitié de moi. Je vous salue, moi. À moi. Finissons-en. Tiens. Prends la veste. Ce serait dommage de la salir. Je vais tenir le canon pour éviter que tu rates. Lève-toi. Prends le sentier là-bas. Quoi? File, pendant qu'il est temps. Tu croyais que tu étais seul? Je suis espion, comme toi. Merci. Vive le roi! Vive la République! Pendant que Joseph Giraudeau détale à travers la forêt, les gardes républicains pénètrent dans le château de l'Ermitage. Dehors, les chevaux renâclent, les royalistes se bousculent en voulant prendre la fuite. En sortant des bois, Joseph regarde vers le château de l'Ermitage. En haut, à une fenêtre, il distingue la silhouette de Marie-Gabrielle. Il n'y a plus personne quand il se retourne une dernière fois. Les attaques contre Saint-Brieuc, Angers, Nantes et Le Mans sont un demi-échec pour les royalistes. L'armée de la Chouannerie souffre d'une faiblesse, les paysans ne se mobilisent plus que sous la contrainte. Dans les semaines qui suivent, les Chouans remportent quelques victoires dans le Morbihan et à Vannes, mais c'est le chant du cygne d'une Chouannerie qui touche à sa fin. Le grand soulèvement de l'Ouest n'a pas eu lieu. Deux semaines plus tard, à la surprise générale, le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire, le coup d'état du général Napoléon Bonaparte sonne la fin du Directoire, largement discrédité. Populaire avant même de faire ses preuves, le nouveau maître du consulat réussit à imposer ses vues. Déterminé à en finir avec les conflits, le premier consul promet d'exempter les paysans de l'Ouest de la conscription et promet le retour de la liberté religieuse. En 1801, Bonaparte négociera le concordat avec le Vatican. Les prêtres réfractaires en exil reviennent en France. Quant à Joseph Giraudeau, il a disparu peu après l'assaut du château. Madame le Frotteur de Kérilis, touchée par balle lors de l'attaque du château de l'Ermitage, est morte sur le coup. En 1801, Mercier la Vendée tombe dans une embuscade à la Motte, près de Loudéac, en Côte d'Armor. Commissaire de Noailles ? Giraudeau ? Alors, vous êtes sorti vivant. Par miracle. Au village d'à côté, ils m'ont donné des habits, sans même me demander si j'étais royaliste ou républicain. J'ai toujours su que vous étiez doué, Joseph. Et je sais que vous avez essayé de nous prévenir pour la prison de Saint-Brieuc. Ça a été un plaisir. Un instant. Je suis venu pour récupérer mon dû. Quoi ? Le poste de brigadier que vous m'avez promis ? Mon pauvre monsieur, vous n'êtes pas au courant? Je n'ai plus aucun pouvoir depuis que Bonaparte est consul. Alors je n'aurai rien. Pas un sou. La République est de l'histoire ancienne. Pourquoi vous ne rentreriez pas dans la police? Il paraît que Fouché a besoin de recrues. Moi, servir le consulat, non. Jamais. À vous de voir. Adieu, Giraudeau. Un instant. Il y avait une dame, Madame le Frotteur. Qu'est-elle devenue ? Elle n'a pas survécu. Je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là, elle a essayé de me sauver. Petit avait raison. Je ne suis ni d'ici, ni de là-bas. Ni royaliste, ni républicain. Alors pourquoi ne pas servir Bonaparte ? Au fond, quelle importance ? Monsieur de Noailles ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est au sujet de la police de Fouché. Vous savez si la paye est bonne ? 1799, un espion chez les Chouans de Tadi McNamara avec Joseph Giraudeau, Sylvain Levitte, Marie-Gabrielle Le Frotter de Kérilis, Florence Lecor, Mercier Lavandée, Grégoire Lagrange, Marcelin Petit, Antoine Cahan, Denoual, Stéphane Bernard, un vieux Chouan, Philippe Pirard. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierrick Charles et Antoine Vieussa, assistante à la réalisation Claire Chéneau, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur les Chouans avec mon invité, l'historien Aurélien Lignereux. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. You look at me now with those hollow eyes, sockets and smile, and it seems all a lie. They've told me so far. And you show me that life isn't all about extending your time. No, it's the perfect time for a bottle of wine. And why do I still care about all? But then without all the fur, I wonder would it fit me? What do you think I prefer? You know, some people draw or not exist. They put a gun to the heart or a knife through the wrist. We ought to think they aren't smart. It could be something I missed. Right. Then she kisses my skin. I don't know. Cigare de Tamino sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Johanna Gabric. Aurélien Lignereux, le grand soulèvement de l'Ouest, tant espéré par nos chefs vendéens et chouans dans la fiction, a bien eu lieu en octobre 1799, mais on vient d'en vivre un des épisodes, l'attaque de la prison de Saint-Brieuc dans la nuit du 25 au 26 octobre. C'est un succès, et puis bizarrement, Mercier, la Vendée, comme on l'appelle, a réussi à prendre la prison, mais il libère les prisonniers, il prend des armes, il prend un canon, tout a l'air de bien se passer, et puis non, ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe, justement? Pourquoi ce soulèvement n'a pas eu lieu? Eh bien, c'est pas réductible à Saint-Brieuc, on observe la même chose à Nantes. Au Mans. Voilà, ça renvoie en fait à une faiblesse qui est structurelle de ces armées chouannes qui ont été rassemblées. Sur le papier, les légions sont imposantes, elles alignent en théorie plusieurs milliers d'hommes, mais dans les faits, ce sont tout au plus plusieurs centaines, avec une partie des recrues qui ont été forcées. Les royalistes ont instauré une forme de conscription royaliste. Oui, eux aussi à leur tour alors. Oui. Et oui, à leur tour, ce qui du coup se ressent sur la motivation, le moral des combattants. Et puis il y a surtout en fait le manque de perspective d'horizon politique. Les armées étrangères ont marqué le pas. À Paris, les esprits dans les coulisses cherchent une solution politique. Et ce n'est pas des échauffrés dans l'Ouest qui vont changer la donne. Et les chefs sont un petit peu déboussolés. Leurs hommes en sont conscients. En l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte suite à son coup d'État, et surtout grâce à sa politique d'apaisement, vont mettre un terme relatif à la guerre dans l'Ouest. Mais est-ce que cet apaisement n'est pas définitif? Oui, il n'est pas définitif, mais il faut reconnaître que Bonaparte a réussi une pacification là où les précédents, en 1795, en 1797, avaient échoué, puisqu'il y a une offre politique qui parle aux paysans. C'est-à-dire que avec Bonaparte, il n'y a pas simplement une espèce de tolérance du culte, mais avec le concordat, il y a une réintégration presque triomphante des anciens réfractaires, c'est-à-dire qu'on rétablit la vraie foi pour les paysans, les bons prêtres. Et donc, c'est l'expression consacrée. Voilà, et c'est très fort. Et puis il y a aussi ce phénomène de lassitude après 8 ans de guerre civile. Ceci dit, se pose la question de la reconversion des chefs chouans. Parce qu'une partie d'entre eux, avaient connu une espèce d'ascension par la guerre. Que faire de ces hommes-là? Certains sont nobles, mais certains sont roturiers, on l'a vu. Oui, et beaucoup vont connaître une espèce de destin de desperados, en quelque sorte, de soldats perdus, faute de trouver une place dans le nouvel ordre qui est instauré. Mercier, la Vendée, en est un exemple. Il ne dépose pas les armes. Il essaye de rejoindre l'Angleterre via les îles anglo-normandes, mais le rendez-vous à Chope, et il connaît une fin à la fois tragique et pitoyable, puisque essayant de regagner le Morbihan, il est abattu par des gendarmes dans une cour de ferme. Cadoudal va tenter un attentat contre Bonaparte. Oui, Cadoudal, en l'an 12, donc en 1803-1804, va essayer d'organiser un commando qui regroupe une quinzaine d'anciens chouans pour enlever le premier consul et le neutraliser ou l'abattre. Mais il a été précédé. Saint-Régent, c'était un chef qui était de l'expédition de Saint-Brieuc. Eh bien, à Noël 1800, il a essayé d'éliminer le premier consul avec un baril de poudre sur une charrette. Il avait bien compris, en quelque sorte, la nouvelle donne qu'imposait la centralisation, l'incarnation du pouvoir. Avec cette fiction, on a fait apparaître des personnages que souvent dont on ne parle pas dans l'histoire. Mercier la Vendée, vous l'avez dit, Joseph Giraudeau, un espion républicain chez les Chouans, et puis cette femme, Marie-Gabrielle Le Frotter de Kérilis, qui rappelle que les femmes ont joué un rôle non négligeable pendant la Révolution, évidemment du côté de la Révolution, mais aussi du côté anti-révolutionnaire. Elles ont joué un rôle important, Aurélien Lignereux. Oui, et puis elles ont surtout constitué un enjeu assez essentiel. Alors, rôle important, puisque dans ce contexte de guerre civile, avec des groupes pendant les périodes de petite chouannerie, de guérilla, sont réduits à la clandestinité, eh bien cela suppose, bien sûr, tout un réseau de complicité, de correspondance, de ravitaillement. Donc, elles jouent ce rôle-là. Mais elles sont aussi un enjeu qui a pu prendre des formes tragiques et même détestables, puisque le corps des femmes est devenu un enjeu dans la guerre civile. Comme c'est souvent le cas. dans les guerres. Comme c'est souvent le cas, les viols ont été systématiques hein, pendant la répression de la Vendée, hein, durant les colonnes infernales. Hein. Mais du coup, l'idéologie traditionnaliste, hein, contre-révolutionnaire, a héroïsé hein, ces figures féminines en exaltant cette une figure de victime, hein, mais de victime hein, qui combat pour les valeurs traditionnelles, la défense du foyer et de la religion. Alors, l'histoire d'amour qu'on a entendue dans la fiction entre Giraudot et Madame le Frotteur de Quirilly, c'est bien sûr fictionnel, mais des histoires d'amour, il y en a eu pendant ces guerres de Vendée et des guerres de Chouan. Par exemple, le général Hoche est tombé amoureux d'une Vendéenne, le général Lamberti aussi, qui finira guillotiné par amour d'une jeune aristocrate. Aurélien Lignereux, la guerre de Vendée, on le sait, a été marquée par de véritables massacres. Le nombre des victimes est énorme, on l'estime à environ 170 000 du côté des Vendéens, 70 000 soldats républicains tués. Ce sont des chiffres un peu... Bon, c'est difficile à estimer. Mais qu'en est-il des guerres des Chouans ? Elles sont beaucoup plus économes en vie humaine. Hein. Vous voyez, un épisode comme Saint-Brieuc, c'est une vingtaine de morts, hein, mais seulement la mort hein, est rendue frappante. Ce qu'essayent de faire les Chouans, c'est de démoraliser le camp républicain, c'est-à-dire de réduire les énergies civiques. Hein, puisque pour que les départements de l'Ouest soient tenus, bah, il faut l'investissement de patriotes qui acceptent de tenir hein, des charges administratives, hein, des charges fiscales impopulaires, et la mise à mort, parfois spectaculaire, avec des pancartes hein, ou un grand nombre de coups de baïonnette, etc., un peu démoralisé. En ce qui concerne la postérité de cette guerre des Chouans, la littérature du 19e siècle n'a pas toujours été très tendre pour le Chouan, notamment chez Balzac, hein, qui compare les Chouans à des animaux sauvages, à des barbares. Victor Hugo était un petit peu plus conciliant en considérant qu'ils étaient dans l'erreur, mais il avait quand même une certaine admiration pour ces combattants. Que reste-t-il aujourd'hui, Aurélien Lignereux, en Bretagne, de cette histoire ? Y reste-t-il des traces profondes ? Oui, bah bien sûr, il y a déjà tout un réseau de musées qui présentent, hein, qui permettent de mieux comprendre hein, dans le tissu local hein, l'ère d'action de la chouannerie, ses faits d'armes. Il y a aussi un folklore, en quelque sorte un peu aussi commercialisé. En Vendée, on peut se revendiquer Chouan, mais c'est lié aussi à tout un pan de la littérature et du cinéma qui présente une vision beaucoup plus favorable hein, des Chouans, puisque justement cette dimension romanesque, la compréhension aussi que le mouvement n'était pas tant idéologique, une défense un petit peu des modes de vie, des libertés locales, a permis de le rendre plus acceptable. Merci Aurélien Lignereux. De vous, on peut lire Chouan et Vendéens contre l'Empire, paru chez Vendémiaire, ainsi que L'Empire des Français, 1799-1815, le tome 1 de l'histoire de la France contemporaine, paru au Seuil et réédité en point en 2014. Et bien sûr, le grand classique sur le sujet, Les Chouans de Roger Dupuis, chez Hachette, dans l'excellente et regrettée collection Vie quotidienne. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous resterons à la fin du XVIIIe siècle, mais nous partirons en Suisse, au fond d'une vallée de la Suisse alémanique, dans la petite ville de Glaris. C'est là qu'en juin 1782, Anna Göldi, servante chez un notable de la ville, fut condamnée à mort et exécutée sur la place publique pour sorcellerie. Anna Göldi, une sorcière au temps des Lumières, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais en attendant, juste après le flash, d'autres lumières vous attendent, celle d'Edouard Baird. Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.